Chapitre 14. L'étude. L'étude de M. Ferrand ressemblait à toutes les études. C'est clair à tous les clercs. On y arrivait par une antichambre meublée de 4 vieilles chaises. Dans l'étude proprement dite, entourée de casiers garnis des cartons renfermant les dossiers des clients de M. Ferrand, 5 jeunes gens, courbés sur des pupitres de bois noir, riaient, causaient ou griffonnaient incessamment. Une salle d'attente, encore remplie de cartons, et dans laquelle se tenait d'habitude monsieur le premier clerc, puis une autre pièce vide qui, pour plus de secret, séparait le cabinet du notaire de cette salle d'attente, tel était l'ensemble de ce laboratoire d'actes de toutes sortes. 2 heures venaient de sonner à une antique pendule à coucou, placée entre les 2 fenêtres de l'étude. Une certaine agitation régnait parmi les clercs. Quelques fragments de leur conversation feront connaître la cause de cet émoi. Certainement, si quelqu'un m'avait soutenu que François Germain était un voleur, dit l'un des jeunes gens, j'aurais répondu « Vous avez menti ». Moi aussi, moi aussi. Moi, ça m'a fait un tel effet de le voir arrêté et emmené par la garde que je n'ai pas pu déjeuner. J'en ai été récompensé, car ça m'a épargné de manger la ratatouille quotidienne de la mère Séraphin. 17 000 francs, c'est une somme. Une fameuse somme. Dire que depuis 15 mois que Germain est caissier, il n'avait pas manqué un centime à la caisse du patron. Moi, je trouve que le patron a eu tort de le faire arrêter, Germain, puisque ce pauvre garçon jurait ses grands dieux qu'il n'avait pris que 1 300 francs en or. D'autant plus qu'il les rapportait ce matin pour les remettre dans la caisse, ces 1 300 francs, au moment où le patron venait d'envoyer chercher la garde. Voilà le désagrément des gens d'une probité féroce comme le patron. Ils sont impitoyables. C'est égal, on doit y regarder à 2 fois avant de perdre un pauvre jeune homme qui s'est bien conduit jusque-là. Monsieur Ferrand dit à cela que c'est pour l'exemple. L'exemple de quoi? Ça ne sert à rien à ceux qui sont honnêtes, et ceux qui ne le sont pas savent bien qu'ils sont exposés à être découverts s'ils volent. La maison est tout de même une bonne pratique pour le commissaire. Comment? Dame, ce matin, cette pauvre Louise, tantôt Germain. Moi, l'affaire de Germain ne me paraît pas claire. Puisqu'il a avoué. Il a avoué qu'il avait pris 1 300 francs, oui, mais il soutient, comme un enragé, qu'il n'a pas pris les autres 15 000 francs en billets de banque et les autres 700 francs qui manquent à la caisse. Au fait, puisqu'il avoue une chose, pourquoi n'avouerait-il pas l'autre? C'est vrai, on est aussi puni pour 1 500 francs que pour 15 000 francs. Oui, mais on garde les 15 000 francs. Et en sortant de prison, ça fait un petit établissement, dirait un coquin. Pas si bête. On aura beau dire et beau faire, il y a quelque chose là-dessous. Et Germain qui défendait toujours le patron quand nous l'appelions jésuite. C'est pourtant vrai. Pourquoi le patron n'aurait-il pas le droit d'aller à la messe? Nous disait-il. Vous avez bien le droit de ne pas y aller. Tiens, voilà Chalamel qui rentre de course. C'est lui qui va être étonné. De quoi, mes braves? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sur cette pauvre Louise? Tu le saurais, flâneur, si tu n'étais pas resté si longtemps en course. Tiens, vous croyez peut-être qu'il n'y a qu'un pas de clerc d'ici à la rue de Chaillot? Oh, mauvais, mauvais! Eh bien, ce fameux vicomte de Saint-Rémy, il n'est pas encore venu? Non. Tiens, sa voiture était attelée. Et il m'a fait dire par son valet de chambre qu'il allait venir tout de suite. Mais il n'a pas l'air content, a dit le domestique. Ah, messieurs, voilà un joli petit hôtel. Un crâne luxe. On dirait d'une de ces petites maisons des seigneurs d'autrefois, dont on parle dans Faublas. Oh, Faublas, voilà mon héros, mon modèle, dit Chalamel en déposant son parapluie et en désarticulant ses socs. Je crois bien alors qu'il a des dettes et des contraintes par corps, ce vicomte. Une recommandation de 34 000 francs que l'huissier a envoyée ici, puisque c'est à l'étude qu'on doit venir payer. Le créancier aime mieux ça, je ne sais pas pourquoi. Il faut bien qu'il puisse payer maintenant, ce beau vicomte, puisqu'il est venu hier soir de la campagne, où il était caché depuis 3 jours pour échapper aux gardes du commerce. Mais comment n'a-t-on pas déjà saisi chez lui? Lui, pas si bête. La maison n'est pas à lui. Son mobilier est au nom de son valet de chambre, qui est censé lui louer en garni, de même que ses chevaux et ses voitures sont au nom de son cocher, qui dit, lui, qu'il donne à loyer au vicomte des équipages magnifiques à tant par mois. Oh, c'est un malin, allez, monsieur de Saint-Rémy. Mais qu'est-ce que vous disiez? Qu'il est arrivé encore du nouveau ici? Figure-toi qu'il y a 2 heures, le patron entre ici comme un furieux. Germain n'est pas là, nous crie-t-il? Non, monsieur. Eh bien, le misérable m'a volé hier soir 17 000 francs, reprit le patron. Germain, volé? Allons donc. Tu vas voir. Comment donc, monsieur, vous êtes sûr? Mais ce n'est pas possible que nous nous écrions. Je vous dis, messieurs, que j'avais mis hier dans le tiroir du bureau où il travaille 15 billets de 1000, plus 2 000 francs en or dans une petite boîte. Tout a disparu. À ce moment, voilà le père Mariton, le portier, qui arrive en disant « Monsieur, la garde va venir. » « Et Germain ?»« Attends donc, le patron dit au portier. « Dès que Monsieur Germain viendra, envoyez-le ici, à l'étude, sans lui rien dire. « Je veux le confondre devant vous, messieurs, » reprend le patron. Au bout d'un quart d'heure, le pauvre Germain arrive comme si de rien n'était. La mère Séraphin venait d'apporter notre ratatouille. Il salue le patron, nous dit bonjour très tranquillement. « Germain, vous ne déjeunez pas ?» dit Monsieur Ferrand. « Non, monsieur, merci, je n'ai pas faim. »« Vous venez bien tard. »« Oui, monsieur, j'ai été obligé d'aller à Belleville ce matin. »« Sans doute pour cacher l'argent que vous m'avez volé ?» s'écria Monsieur Ferrand d'une voix terrible. « Et Germain ?» Voilà le pauvre garçon qui devient pâle comme un mort et qui répond tout de suite en balbutiant « Monsieur, je vous en supplie, ne me perdez pas. » « Il avait volé ?» « Mais attendez donc, Chalamel. »« Ne me perdez pas, » dit-il au patron. « Vous avouez donc, misérable. » « Oui, monsieur, mais voici l'argent qui manque. Je croyais pouvoir le remettre ce matin avant que vous fussiez levé. Malheureusement, une personne qui avait à moi une petite somme et que je croyais trouver hier soir chez elle était à Belleville depuis 2 jours. Il m'a fallu y aller ce matin. C'est ce qui a causé mon retard. « Grâce, monsieur, ne me perdez pas. En prenant cet argent, je savais bien que je pourrais le remettre ce matin. Voici les 1300 francs en or. »« Comment les 1300 francs ?» s'écria Monsieur Ferrand. « Il s'agit bien de 1300 francs. Vous m'avez volé dans le bureau de la chambre du premier 15 billets de 1000 francs dans un portefeuille vert et 2 000 francs en or. »« Moi ? Jamais ?» s'écria ce pauvre Germain d'un air renversé. Je vous avais pris 1300 francs en or, mais pas un sou de plus. Je n'ai pas vu de portefeuille dans le tiroir. Il n'y avait que 2 000 francs en or dans une boîte. Oh, l'infâme menteur ! S'écria le patron. Vous avez volé 1300 francs. Vous pouvez bien en avoir volé davantage. La justice prononcera. Oh, je serai impitoyable pour un si affreux abus de confiance. Ce sera un exemple. Enfin, mon pauvre Chalamel, la garde arrive sur ce coup de temps-là, avec le secrétaire du commissaire, pour dresser procès-verbal. On empoigne Germain, et voilà. C'est-il bien possible? Germain, la crème des honnêtes gens? Ça nous a paru aussi bien singulier. Après ça, il faut avouer une chose. Germain était maniaque. Il ne voulait jamais dire où il demeurait. Ça, c'est vrai. Il avait toujours l'air mystérieux. Ce n'est pas une raison pour qu'il ait volé 17 000 francs. Sans doute. C'est une remarque que je fais. Ah bien, voilà une nouvelle. C'est comme si on me donnait un coup de poing sur la tête. Germain, Germain, qui avait l'air si honnête, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. On dirait qu'il avait comme un pressentiment de son malheur. Pourquoi ? Depuis quelques jours, il avait comme quelque chose qui le rongeait. C'était peut-être à propos de Louise. De Louise ? Après ça, je ne fais que répéter ce que disait ce matin la mère Séraphin. Quoi donc ? Quoi donc ? qu'il était l'amant de Louise et le père de l'enfant. « Voyez-vous le sournois ? Tiens, tiens, tiens ! Ah bah, ça n'est pas vrai ! Comment sais-tu ça, Chalamel ? Il n'y a pas 15 jours que Germain m'a dit en confidence qu'il était amoureux fou, mais fou, fou, d'une petite ouvrière bien honnête qu'il avait connue dans une maison où il avait logé. Il avait les larmes aux yeux en me parlant d'elle. « Ohé, Chalamel ! Ohé, Chalamel ! Est-il rococo ?» Il dit que Faublas est son héros, et il est assez bon enfant, assez cruche, assez actionnaire pour ne pas comprendre que l'on peut être amoureux de l'une et être l'amant de l'autre. Je vous dis, moi, que Germain parlait sérieusement. À ce moment, le maître Clerc entra dans l'étude. « Eh bien, dit-il, Chalamel, avez-vous fait toutes les courses ?»« Oui, monsieur Dubois, j'ai été chez monsieur de Saint-Rémy, il va venir tout à l'heure pour payer. » Et chez madame la comtesse MacGregor ? Aussi, voilà la réponse. Et chez la comtesse d'Orbigny ? Elle remercie bien le patron. Elle est arrivée hier matin de Normandie. Elle ne s'attendait pas à avoir si tôt sa réponse. Voilà la lettre. J'ai aussi passé chez l'intendant de monsieur le marquis d'Harville, comme il l'avait demandé, pour les frais du contrat que j'ai été faire signer l'autre jour à l'hôtel. Vous lui avez bien dit que ce n'était pas si pressé. Oui, mais l'intendant a voulu payer tout de même. Voilà l'argent. Ah, j'oubliais cette carte qui était ici en bas chez le portier, avec un mot au crayon écrit dessus, pas sur le portier. Ce monsieur a demandé le patron, il a laissé cela. Walter Murph, dit le maître Clerc, et plus bas au crayon, reviendra à 3 heures pour affaires importantes. Je ne connais pas ce nom. Ah, j'oubliais encore, reprit Chalamel. Monsieur Badinot a dit que c'était bon, que monsieur Ferrand fasse comme il l'entendrait, que ça serait toujours bien. Il n'a pas donné de réponse par écrit ? Non, monsieur, il a dit qu'il n'avait pas le temps. Très bien. Monsieur Charles Robert viendra aussi dans la journée parler au patron. Il paraît qu'il s'est battu hier en duel avec le duc de Lucenay. Est-il blessé ? Je ne crois pas, on me l'aurait dit chez lui. Tiens, une voiture qui s'arrête. Oh, les beaux chevaux, sont-ils fougueux ? Et ce gros cocher anglais, avec sa perruque blanche et sa livrée brune à galons d'argent, et ses épaulettes comme un colonel, c'est un ambassadeur, bien sûr. Et le chasseur en a-t-il aussi de cet argent sur le corps ? Et de grandes moustaches ? Tiens, dit Chalamel, c'est la voiture du vicomte de Saint-Rémy. Que ça de genre, merci. Bientôt après, monsieur de Saint-Rémy entrait dans l'étude.